Les cheveux blonds du petit Noël, par Marcel Tiner. Il était une fois une jeune femme qui était triste parce qu'elle n'avait point de fils. Petit Jésus, qui distribue les joujoux aux enfants, distribue aussi les enfants aux grandes personnes. Pour consoler la jeune femme, un matin qu'elle était très malade, il lui apporta un bébé. Mais elle avait mis trop de hâte à choisir son cadeau, et le bébé était une petite fille. La maman était bien contente, mais pas aussi contente qu'elle aurait pu l'être. Une fille, c'est très gentil, c'est peut-être même plus gentil qu'un garçon. Mais quand on veut une pomme et qu'on reçoit une rose, ça ne fait pas le même genre de plaisir. La maman se consola vite. Elle espérait que le petit Jésus reviendrait l'année suivante. Mais le petit Jésus était trop occupé, sans doute. Il ne revint pas. La fillette grandit, et comme elle buvait beaucoup de lait et mangeait beaucoup de soupe, elle devint si forte et si belle que tout le monde l'admirait. Elle était fraîche comme une fleur et comme un fruit, et sa maman, tout à fait heureuse, disait qu'on ne pouvait pas embrasser cette mignonne sans avoir envie de la manger. C'était une belle et bonne petite créature, qui ne craignait rien, et qui n'était jamais triste parce qu'elle ne connaissait pas autre chose dans le monde que la maison de sa maman, le jardin de sa grand-mère, les friandises, les joujoux et les baisers. Elle ne savait pas qu'il y avait de méchants hommes, des enfants très malheureux, des gens qui souffrent, des gens qui meurent, tout ce que savent les grandes personnes, hélas. Le petit Jésus la trouva si gentille qu'il eut peur de la laisser sur la terre, où il y a des malheureux et des méchants. Il désira la reprendre avec lui dans le ciel où sont les anges, les très petits anges, qui la portent comme des cadeaux au moment de la terre, quand elles veulent des enfants. Et bientôt la petite fille fut moins fraîche. Elle sembla triste, parce qu'elle entendait, sans comprendre, le petit Jésus qui l'appelait. Un soir, un doux soir de printemps qui sentait les roses, le petit Jésus vint sans que personne pût le voir, et il emporta la jolie petite après l'avoir endormie tout doucement. Quand vous serez grand, mes chéris, vous saurez que c'est une chose affreuse pour une mère, quand le petit Jésus lui reprend ses enfants. La pauvre femme eut tant de chagrin qu'elle souhaitait mourir à son tour. Elle pleurait tous les jours et toutes les nuits, et appelait sa fille et la suppliait de revenir. On dit que les enfants morts ne reviennent jamais sur le cœur de leur mère. Mais la maman dont je vous parle savait bien qu'ils reviennent quelquefois. Il n'y a que le nom qui change. Ah, pensait la mère, si tu revenais, ma fille, si tu revenais dans un autre enfant qui serait toi encore, qui aurait tes petits pieds, tes petites mains, tes grands yeux noirs, tes doux cheveux châtain clair, ta voix, ton rire et ton petit cœur si tendre. Reviens, ma mignonne, ou bien je mourrai comme toi. Le petit Jésus, qui voyait tant pleurer cette pauvre mère, regretta de lui avoir enlevé son enfant. Je ne sais pas comment il s'y prit, mais il changea la petite fille en petit garçon. Et profitant de son grand voyage de Noël, il la rapporta à la mère. Quand la jeune femme vit le bébé, elle regarda tout de suite ses yeux, son front, ses petits pieds, ses petites mains, et elle se mit à pleurer de joie, parce qu'elle reconnaissait les yeux, le front, les pieds, les mains de sa fille bien-aimée. Il se souvint qu'autrefois, elle avait demandé un garçon. Le petit Jésus avait eu bonne mémoire. Pour remercier le petit Jésus, on donna au nouveau-né le joli nom de Noël. Le petit Noël grandit, et ce fut une merveille pour tout le monde que de voir combien il ressemblait à sa sœur. Comme elle, il était robuste et rose. Comme elle, il mangeait de grand appétit et jouait de grand cœur. Comme elle, il était caressant et crédule. Mais il était aussi moins rieur, plus grave, parce qu'il était né dans une maison en deuil. Ce que cet enfant avait de plus extraordinaire, c'était ses cheveux, non plus châtains mais blonds, d'un blond inconnu et invraisemblable, d'un blond pâle et brillant à la fois comme volumineux, d'un blond qui ne pouvait durer et s'effacer chaque jour davantage. On prévoyait que dans quelques mois ou quelques années disparaîtrait peu à peu ce blond angélique et que le petit Noël aurait les cheveux châtains tendres comme sa petite sœur. Personne ne comprenait cela, personne, excepté la mère. Elle avait deviné le miracle, et que cet or nouveau, frissonnant sur les cheveux de son fils, c'était un reflet du paradis qu'il avait traversé avant de rentrer dans la vie. Bon petit Jésus, laissez sur le cœur de sa mère le petit Noël aux cheveux blonds. Marcel Tiner.